Dark Moon and DC on the track. J'ai fait des sales, j'ai peur de Dieu. Je voulais voir ce qu'était la vie. La compassion, j'en ai très peu. Je dors à freine, j'ai plus ma fille. J'ai grandi sans mon père, sans remède. La rue a pris leur gosse. Ma pitié n'avait pas de sentiment. Moi je voulais juste un nas. J'viens du 9-4, j'suis un homme pour de vrai. J'ai la rue comme deuxième famille. Si t'as pas souffert comme moi, ça sert à rien. Tu ne seras pas mon ami. On a fait du sale. On voulait prendre du bif. J'évitais des balles. Ils me voulaient m'avoir au fil. J'ai dormi dans un box avec Dilox. Moi j'ai cet esprit, j'suis pas un dox. J'coupe la cocaïne si j'veux être un boss. Toujours un œil sur la piètre. J'ai vu ce qu'il valait. C'est ce qu'il me fallait, on m'a dit cette bise. Très peu me rend du service. Facile de braquer cette bige. Au star, j'ai donné cette pige. On m'a dit cette vice. Très apprécié dans ma vie. Je connais des types qui pour moi tueraient pour de vrai. Jusque le Real de Madrid a pour Cristiano ce que Belleville a pour de vrai. J'fais de l'oseille, j'fais de l'oseille. Ma parole dans le rap, c'est moi qui porte la couronne. Comme les keufs, son nous veulent savoir bien plus que la donne. Au parloir, je vais mon fils. J'apprends qu'il manque, il a du vice. Son père le manque, et quoi qu'on dise. Déjà un homme, il en redise. Du poids sur le dos. Je sais ce que je veux, je fais ce qu'il faut. Millions d'euros, un petit boulot. Non. Du poids sur le dos. Je sais ce que je veux, je fais ce qu'il faut. Millions d'euros, un petit boulot. Non. Être un homme, c'est pas faire le fou sur le bas de tes amis. Je prends sur moi, j'ai pas le choix. Tu mérites pas de drame de ma folie. On a fait du sale. On voulait prendre du bif. Éviter des balles. Il me voulait m'avoir au fil. Je sais que la vie est moche. Je vais jusqu'à 6 heures. Je coupe comme un dealer. On sera comme un dealer. On a des armes dans ma ville. Je marche comme un voleur. Je paye comme un braqueur. Fils, t'es qu'un guetteur. J'ai pris le rap par la force.